pas peur. C'est Oli. O-L-I. Oui. La Bibli des petits. Je suis pas petit. Je suis grand. Bonjour, je suis Nadja et je vais vous raconter l'histoire d'Anung et la grenouille de Jade. Anung est une petite fille qui vit dans un pays très lointain d'Asie, la Thaïlande. Il y a de belles plages et aussi des forêts très anciennes qu'on appelle la jungle, où les arbres sont immenses. Il y fait toujours beau, sauf pendant la mousson qui est la saison des pluies. Dans son village, les maisons sont en bois et en bambou, entourées de jardins pleins de fleurs et de fruits merveilleux. Des mangues, des papayes, des ananas, des litchis. Ce matin, c'est la fin de la mousson et le soleil brille enfin. Le coq chante très fort et réveille tous les habitants. Anung se lève et rejoint sa mère qui est déjà dans la cuisine. Elle prépare des desserts qu'elle va vendre au marché et qu'Anung adore. Ce sont des rouleaux de riz sucré à la mangue enveloppés dans des feuilles de bananier. Anung en saisit un et l'emporte pour le manger en chemin. Au bout du jardin, il y a la maison des esprits. C'est comme un temple miniature construit pour les esprits invisibles qui protégeront les habitants et leur jardin. Il faut leur faire des petits cadeaux pour qu'ils soient contents. Des bonnes choses, des jolis objets, des bouquets de fleurs. Juste à côté, le vieux Boum, qui est le voisin, est en train de couper des ananas. Tiens, dit-il à Anung, regarde ce que j'ai trouvé. Il lui tend une petite pierre et suit la terre qui la recouvre. Anung ouvre de grands yeux. La pierre est toute verte et sculptée en forme de grenouille. Elle est en jade, dit oncle Boum. Cela porte bonheur. Tu pourras la donner en offrande aux esprits si tu veux. Mais Anung la trouve tellement jolie qu'elle a envie de la garder. Et elle l'enfouit dans son cartable. « Merci !» crie-t-elle en dévalant la colline. Le bateau-bus attend les enfants du village à l'embarcadère pour les emmener à l'école. Ils sont heureux de se retrouver et montent sur le bateau qui glisse sur la rivière, sous les grands palmiers. Anung remarque une petite fille qui reste dans son coin, le dos tourné. Sa famille vient de s'installer au village et elle ne connaît personne. À l'école, la maîtresse la présente. Elle s'appelle Lamaï, ce qui veut dire algue. Ses longs cheveux brillants et ses yeux verts en amande font penser à la mer. Anung aimerait bien lui parler, mais elle a l'impression que Lamaï préfère rester seule. Les autres enfants lui jettent des regards curieux, puis s'en désintéressent. À l'heure du déjeuner, Anung s'apprête à rejoindre sa mère au marché et à déjeuner avec elle. « Tu n'as qu'à emmener la maille avec toi, » dit la maîtresse. Anung n'ose pas protester, mais elle n'a pas très envie d'emmener avec elle cette petite fille étrange qui ne parle pas. Elle essaye quand même de l'intéresser en lui montrant toutes les jolies choses exposées dans les allées. Les merveilleuses ombrelles décorées de fleurs, les costumes de fête avec leurs bijoux dorés, les fruits sculptés en forme d'animaux. La maille se contente de hocher vaguement la tête. Dans un coin, la mère d'Anung fait griller des brochettes sur un réchaud. Les clients s'assoient tout autour sur des chaises pour les déguster. Mais la maille mange à peine et Anung ne sait pas quoi faire pour la distraire. Elle pense soudain à la petite grenouille de pierre qui est dans son cartable. « Tu veux voir quelque chose de super ?» demande-t-elle. Quand elle ouvre le cartable, petite chose verte bondit, tombe sur le sol et s'éloigne à toute vitesse en sautillant. Anung ne comprend pas ce qui se passe, mais elle bondit elle aussi. Attrape-la, crie-t-elle à la maille en bousculant sa chaise. Le marché est tout près de la forêt, et les petites filles voient la grenouille verte y entrer et disparaître entre les troncs d'arbres. Dans la jungle, elles ont peine à la suivre. Le sentier est de plus en plus difficile. Mais elles ne se découragent pas et escaladent les pierres et les racines à sa poursuite. Au bout d'un moment, arrivée près d'une cascade, elle la voit sauter dans la mare formée à ses pieds. Elle s'assoit sur les rochers, épuisée. La grenouille a disparu. Anong raconte à la maille comment son voisin l'a trouvée et la lui a donnée. « Je te jure qu'elle était en pierre, lui dit-elle. Elle est sûrement magique. Et maintenant elle est partie, ajoute-t-elle tristement. » Bercées par la douce musique de l'eau, les petites filles restent songeuses. Dans l'eau, il y a de magnifiques fleurs aux pétales roses. Ce sont des lotus qui s'ouvrent sous le soleil. Soudain, la maille tend la main. « Regarde !» dit-elle. Deux tiges de lotus sont enlacées. Au bout, leurs fleurs sont comme deux têtes rapprochées. « Ma grand-mère m'a dit que c'est signe d'amitié, » dit la maille. « Cela veut dire que nous serons amis !» dit Anong joyeusement. Juste à ce moment-là, un petit ploc leur fait tourner la tête. Une grenouille a sauté dans l'eau. Les deux petites filles éclatent de rire. Elles jouent un peu autour de la mare, mais il faut maintenant rentrer à l'école. Anong et la maille ne savent plus par quel chemin elles sont arrivées. Il y en a plusieurs et ils se ressemblent tous. Elles voient un arbre aux racines bizarres et pensent qu'elles sont passées par là. Mais très vite, le chemin remonte et s'enfonce dans les ronces. Ce n'est sûrement pas celui-là. Elles retournent sur leurs pas vers la cascade et ne la trouvent pas. Dans les feuilles très haut, elles entendent soudain un craquement. Mais ce n'est qu'un singe à la tête ronde qui saute de branche en branche et disparaît. Plus loin, un oiseau fait entendre un cri étrange. Effrayées, les petites filles se collent l'une à l'autre et ne savent plus de quel côté avancer. « Tu crois qu'on est perdu ?» demande la maille d'une voix tremblante. Soudain dans l'ombre, un éclat vert. Une petite grenouille est montée sur un caillou et les regarde. Puis elle saute sur le sol et s'éloigne. Elle s'arrête et les regarde à nouveau. « Elle veut qu'on la suive, » murmure Anong. Elles avancent derrière la grenouille en se tenant la main bien fort. Les feuilles des arbres forment comme un tunnel. Tout au bout, elles voient de la lumière scintiller. Ce sont des toits éclairés par le soleil. Elles ont retrouvé le village. Tous les habitants sont sortis de leur maison et les accueillent avec des cris de joie. La maîtresse, ne voyant pas revenir les petites filles, a prévenu les villageois et ils se préparaient pour partir à leur recherche. Quelques jours plus tard, la maille vient chercher Anong pour aller à l'école. Elle sourit mystérieusement et l'entraîne jusqu'à la petite maison des esprits. Là, sur la minuscule terrasse couverte d'offrandes, est installée une petite grenouille de jade. Anong, émerveillé, la reconnaît. Et il lui semble bien que la grenouille lui fait un clin d'œil d'un air malicieux. Les esprits continueront de protéger le village et tous ses habitants. Et voilà, l'histoire est finie. Et maintenant, au lit. Oli, c'est aussi une collection de livres illustrés à retrouver en librairie.